Ça, c'est ma tante Georgette, une sœur de papa. Elle a 59 ans. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'est pas mariée. Elle est célibataire, elle aussi. Heureusement, parce qu'elle déteste les enfants. Même si elle est devenue nièce, elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Mais au fond, elle est très gentille. Moi, je l'aime beaucoup. Ça, c'est ma tante Georgette. Ma tante Georgette. Elle a 59 ans. 59 ans. 59 ans. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle est célibataire. Elle est célibataire. Heureusement, parce que elle déteste les enfants. Heureusement, heureusement, heureusement. Parce qu'elle déteste les enfants. Elle déteste les enfants. Elle déteste les enfants. Heureusement, parce qu'elle déteste les enfants. Même ses neveux et nièces. Ses neveux et ses nièces. Ses neveux, ses nièces, ses nièces. Ses neveux et nièces, ses neveux et nièces. Même ses neveux et nièces. Elle déteste même ses neveux et nièces. Même ses neveux et nièces. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Elle trouve les enfants agaçants, agaçants. Elle trouve les enfants agaçants. Elle trouve tous les enfants agaçants. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Est-ce que Georgette aime les enfants? Pourquoi? Non, elle déteste les enfants. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Voilà. Ma tante Paulette et mon oncle Victor ne sont pas là. Mes grands-parents non plus. Mon grand-père ne va pas très bien. Mais je peux vous montrer des photos si vous voulez. Marie-Laure ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Va chercher mon album. Oh, mais tu m'embêtes ! Tu ne veux pas aller chercher toi-même ? Ça, c'est moi à 6 ans. Et ça, c'est moi à 6 mois. Ça, c'est l'annonce de ma naissance dans le Figaro. Ça, c'est l'annonce de la naissance d'Hubert. C'est un ami. Nous avons exactement le même âge. Nous sommes nés le même jour. Ça, c'est le faire-part de la naissance de Marie-Laure. Ça, c'est l'annonce de la naissance d'Hubert. Un ami. Hubert. Un ami. Un ami. Un ami. Hubert. Hubert, Hubert, un ami, Hubert, un ami. Ça, c'est l'annonce de la naissance, la naissance, la naissance, la naissance. C'est une annonce, une annonce, une annonce, une annonce. C'est l'annonce de la naissance d'Hubert. C'est l'annonce de la naissance d'Hubert. Nous avons le même âge. Nous sommes nés le même jour. Nous sommes nés le même jour. Le même jour. Le même jour. Le même jour. Nous sommes nés le même jour. Nous sommes nés le même jour.